Excellent soir à toutes et à tous. Vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Galaxy en composant ce numéro de téléphone 0870 245 603 et laissez tous vos messages. Il est 18h. Bonne soirée à tous. Galaxy. We'll be right back. répondeur Galaxy, tu t'en souviens? Écoute. Écoute. Galaxy, ça prend la tête, ça prend la tête. Galaxy, c'est plus fort que le karaté. C'est 25 ans, Galaxy ressent son répondeur. Toi aussi, tu veux délire avec le répondeur? Qu'est-ce que t'attends? Appelle maintenant 08-70-245-603. 08-70-245-603. Galaxy, joyeux anniversaire. Happy birthday. Dans 5 minutes. Souvenir instant sur Galaxy Lost, The Gonzo, c'était Perfecto Records hein, qui a changé pas mal de choses. Ah, super la photo, hein, impeccable. Avec bien sûr que de souvenirs, 1992 à l'instant. La suite, c'est avec Onesi. Vous connaissez bien sûr cet énorme monstre dance. Ce sera juste après ce petit jingle qu'on a ressorti des cartons. Et d'ici 5 petites minutes, hein, vous l'avez entendu il y a à peine quelques secondes, ce sera Alex Caillé au platine de Galaxy. More trance music with Galaxy. avec un instant Nancy, Stop the Disease. C'était sorti il y a très très longtemps sur le label Dance Division, produit par Philippe Van Mullen et Vincent Lignel. Et oui, gros carton hein, ce titre là. Vous entendiez déjà à La Villa, c'était il y a très très longtemps. Allez, tout de suite Alex Koya, eu le temps quand même de s'échauffer ses petits adducteurs, ses petits doigts, ses petits pieds aussi. Il va mixer durant 15 petites minutes histoire d'atteindre le cap des 18h30. C'est un set exclusif avec bien sûr tous les DJ de la radio, notamment Alex Koya ce soir. Warning, listening to this frequency can be dangerous. Galaxy. Vas-y, mets feu. Something for your mind, your body and your soul. It's the power to arouse curiosity. The purpose, the goal which one acts on. A journey of force hot like the sun and wet like the rain. Rhythmatic movements in unison with others prolong an act of sensation with no limits or boundaries. Eternity is past. Wrong is right. It's the point of greatest intensity. Pleasures of the highest sense. Feelings of warmth and security. Willing and unwilling sensations of the mind. A condition. The ultimate seduction. The realm. I'm gonna dish you right now. Everybody say white on. $20 or more. Isn't that powerful? We'll be right back. Kenya au platine de Galaxy. Eh, ça fait mal ça quand même. Ça fait très très très mal. Aïe aïe aïe, chaud comme la braise avec Kenya. Vous retrouvez bien sûr pour un autre style musical. Hein. C'est plus un au sens général le vendredi soir avec Franck J, 23h-1h du matin avec l'émission Station. Aïe aïe aïe, qu'est chaud, qu'est chaud. Moi j'ai encore plus fort que ça, écoute ça. Attends, j'ai sorti Mord Rock là, ça va péter. Hey, I know, Mantronic is really great, but my style is much better. Better. Better. Better. Much better. Electronics is really great, but my style is much better. We'll be right back. Et je m'appelle Tarzan. Tarzan écoute Galaxy et toi? Bah Olivier il écoute Contact. C'est un gros béron lui, écoute Contact. De temps en temps, TFM aussi. Ah. Tiens, c'est les pubs quoi, toujours. Et sur Galaxy y a pas de pub hein? Ouais mais la musique elle est pas terrible. Pourquoi elle est pas terrible sur Galaxy la musique? Bah elle est trop hard je trouve. T'es une petite nature toi? Ouais voilà ouais, je suis fragile moi. T'es né dans un cocon? Voilà tout à fait. J'habite à la campagne et tout alors. T'habites à la campagne mais t'es quand même un gosse de riche. Même pas, même pas. Moi je suis un gosse de riche. Et t'aimes bien Galaxy? J'adore Galaxy. Moi j'aime pas Galaxy, pas du tout. Elle aime pas Galaxy cette pétasse. Quoi cette pétasse? C'est pour ça que tu viens au showbox? Ouais. Parce qu'il n'y a pas la même musique qu'à Galaxy? Voilà. T'écoutes quoi comme radio? Bonne radio, Skyrock. J'avais raison, c'est une pétasse. Ça déménage, ça débloque, ça débloque. Ça rend fou. Don't you wanna go to the disco? Disco, disco. Oh, ouais. Shit is funky. The beat is party coming right correct. The beat is party coming right correct. The beat is party coming right correct. The beat is party coming right correct. The beat is party coming right correct. The beat is party coming right correct. The beat is party coming right correct. The beat is party coming right correct. Avec un instant Digiton Car. Et le standard qui n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Hein. Forcément, c'est la rétro, c'est la bonne musique, comme d'habitude sur la fréquence de Galaxy. Tout de suite, vous jouez avec nous 03 20 83 57 57 pour gagner et rafler littéralement au standard de Galaxy un kit Willy. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle un kit Willy? Tout simplement parce que c'est lui qui les a ramenés, enfin, de par ses connaissances, bien sûr. Avec, alors, c'est une manette de jeu vidéo pour PlayStation, apparemment, avec aussi deux stickers Galaxy, les collectors, s'il vous plaît, des flyers aussi de Galaxy. Collecteur également. Et puis une grosse boîte garantie, apparemment 3 ans, mais c'est pour apparemment tout ce qui est CD, bref, tout ce qui est jeu vidéo. Bref, c'est un kit jeu vidéo, on va l'appeler comme ça. Le kit jeu vidéo Willy, c'est pour toi au 0320 83 57 57. Allez, 50e appel pour rafler ce premier cadeau de la soirée. Il y en aura tout au long de cette semaine d'ailleurs, avec pas mal d'autres surprises. 0320 83 57 57, 50e appel pour le kit, on va dire, le kit PlayStation. 95.3, the sound of the 90s. feel free. This is Galaxy. Guerrier à l'instant, c'était le label avec The Caméléon Project. Galaxy. Semaine anniversaire à Galaxy, bien sûr, avec tous vos animateurs préférés, le maximum de rétro et de bonne musique. Et puis n'appelez plus pour le jeu, hein, il était remporté à l'instant par notre ami Sébastien qui habite Tourcoing. Salut Seb. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Félicitations pour avoir gagné ce magnifique kit cadeau de Willy en plus. Hein. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sébastien? Je suis technicien logistique dans l'import-export micro-informatique. D'accord. Ça fait longtemps que tu écoutes Galaxy? Combien de milliers d'années? Au moins 10 000 ans. Non, je suis tombé dedans quand j'étais petit il y a 10 ans et je lâche plus maintenant. Ouais, et tu as quel âge ? 32 maintenant. 32, donc ça fait depuis l'âge de 22 ans, ça fait... ouais, bah, tu aurais pu écouter même encore plus longtemps, je suis sûr. Non, depuis l'âge de 10 ans. Ah, d'accord, ok. Donc tu as connu... À cause de mes grands frères, en fait, ils ont 5-6 ans de plus que moi. Puis bah voilà, quoi, en fait, à cause d'eux, j'ai commencé à écouter par la New Wave. Et puis voilà, maintenant, je suis dans techno. Quoi. Bien, excellent. Est-ce que tu sors encore en discothèque à l'âge de 32 ans ? De temps en temps, ouais, pour fêter quelque chose, ouais. Bah écoute, justement, tu pourras fêter l'anniversaire de Galaxy ce week-end. Est-ce que tu souhaites partir en discothèque, je sais pas, au Pulse Factory, l'Escape, la Jezo, on peut te prendre hors antenne juste après pour te mettre sur la liste gratuite, hein, si oui, tu veux. Oui, ça m'intéresse. Y a pas de problème, ça. Galaxy te donnera plein de cadeaux de toute façon. Ça m'intéresse bien. Voilà. Et tu as laissé un petit message aussi sur le répondeur Galaxy ? Je n'ai pas laissé de message, non. Aïe. Non, jamais encore, c'est vrai, jamais. Eh ben écoute, tu vas le faire juste après avoir accroché le téléphone. Ouais. D'accord. Sans problème. C'est le 08 70 245 603. On le rappelle aussi pour les auditeurs qui nous écoutent un instant et qui viennent de nous rejoindre. Sébastien, on te remercie encore une fois de ta grande fidélité. Merci. Et puis bravo encore à toi pour avoir emporté ce maxi cadeau. Merci, un bon anniversaire Galaxy. Merci. Galaxy, the one and only dance station. On donne pas le titre, on va pas donner le titre. Attends, c'est un tube de la mort ça. La Luna, Moving Melody, bien sûr. Extrait de la compilation Larocca. Beaucoup d'appels encore une fois. Décidément, le standard explose de tous les côtés ce soir. Et on vous souhaite bien sûr de passer une agréable soirée à l'écoute de Galaxy. Pas mal de bonnes choses arrivent. Notamment tout à l'heure, d'ici une petite heure, l'émission Starter avec Jérémy Hubert de Galaxy. Et puis tous les autres. 21h-23h, ce sera Deep Line avec Manu et Dan. Et puis juste après, ce sera de l'animation avec pas mal de surprises, des cadeaux, toujours des bêtisiers. Et plein de choses jusqu'à minuit, c'est du direct, c'est sur Galaxy à 19h très précise. Bonne soirée à tous. Galaxy. get up and dance. Yes. Galaxy, get up and dance. Yes. We'll be right back. Seamless à l'instant sur Galaxy avec Anthony Thomas, le Promised Land, spécial dédicace pour DJHS. Ah, on sait qu'il aime bien ce disque-là, notre DJHS qui sera présent d'ailleurs à la radio ce jeudi soir. Et puis également vendredi pour des sets exclusifs DJHS aux platines de Galaxy. À ne surtout pas manquer jeudi à partir de 21h pour l'émission At The Villa. Et puis vendredi soir pour son émission qui était à l'époque hebdomadaire. Et oui, c'était 21h-23h, sauf que là ce sera entre 23h et 1h du matin. On va pousser un petit peu les choses. Tout de suite, vous jouez avec nous 0320-83-57-57. On va pas non plus négliger de ce qu'on fait d'habitude, hein. Des entrées gratuites pour vous le week-end prochain du côté de la bûche, vendredi, samedi soir, le Bliss Club également avec ses résidents, des entrées pour le Colosso, le Pulse Factory et puis pour le Captain. 0320 83 57 57, on vous souhaite bonne chance pour le jeu. We'll be right back. evening. Energy. Flow. Eternal. Avec un instant, Jens Lissata, c'était le souvenir avec Energy et le titre Flow. Grosse semaine, bien sûr, anniversaire de Galaxy avec tous les DJ de la radio qui sont commencés, sont en train de se chauffer le gosier là, hein, les cocos. Hey, je veux venir bosser un peu dans le micro là. Allez, allez, je veux du bruit là, Hubert. Hey, oh, Hubert, il est là, il est chaud comme la braise en plus ce soir. Il a mis plein de parfums. Hein. Tu sens bon, hein, mon coco. Et il y a aussi Jérôme Bootleg aussi est avec nous. Ouais, là, ça va blisser hein, ce soir avec bien sûr tous les DJ de la radio. Grosse surprise ici, une petite demi-heure. On attend aussi l'arrivée de Jérémy qui est dans ça. Jérémy Mobile, la Sound System Mobile, bien sûr, qui est sur la route. Il va pas tarder à nous rejoindre pour vous présenter aussi plein de cadeaux. Une petite clope dans le studio. Ça fait du bien, ça. J'ai oublié de prendre le coucou avec moi. On vous passera ce que c'est une fois le coucou à l'occasion, vous inquiétez pas. La suite en souvenir, toujours bien sûr avec JT Compagnie. Galaxy, happy music for happy people. Rachida à l'instant sur Galaxy avec voilà voilà sur la belle Going Global Series. Gros souvenir, en plus une petite plaque qui vaut cher. Hein. Je sais que si vous êtes sur eBay, vous allez voir flamber les prix, littéralement. On parlait de DJ HS tout à l'heure. Souvenez-vous, DJ HS, c'était ça aussi hein, pour son intro. Qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec DJ HS. Yeah, DJHS bien sûr sur Galaxy, ce sera ce vendredi et ce jeudi soir. On vous attend très nombreux, voici d'ailleurs l'un de ses remixes avec saxophone, Carlos Mendes sur Galaxy. We'll be right back. Galaxy avec un instant gros succès, hein. C'était la compilation La Roca avec le superbe titre Lemonade. Lemonade Remix, t'as connu ça mon petit Hubert? Mais bien sûr. Chaud comme la braise Hubert. Avec toute l'équipe de Galaxy, Jérémy t'es enfin arrivé. Oh, hey, bien bon, encore un quart d'heure. Hey, hey, faut se ramener là, bande de nazes. Ah là là là là, ils sont en train de bouloter et fumer des clopes dans le couloir. C'est pas bien tout ça, ah Jérémy quand même. Bah oui, il faut dire bonjour aux éditeurs, ça va? Allez, ça roule. Hey, préparez-vous tout à l'heure. Attends, 10 minutes. Dans 12 minutes, 12 minutes, le décompte, attention, ça va faire très très mal, grosse surprise. Justement, avec Hubert qui a ramené des boules de. Des boules de quoi? Je voulais dire, on n'a jamais été aussi près là. Et là, là, on est encore plus près là. Regarde, là maintenant, on est encore plus près. Et encore plus près. Et maintenant, encore plus près. D'ici 12 minutes, ce sera la grosse surprise, bien sûr, que vous attendez tous. On vous l'annoncera en direct live sur Galaxy. Galaxy, action. I'm Galaxy, the power of dance music. Instant, le souvenir, c'était sur Art House Records. Le titre est juste derrière. Hein. C'est tellement vu qu'on a tellement oublié ce que c'était en fait. Hein.